Lève-toi, mon amie, ma belle. Lève-toi et viens. Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. Et les fleurs paraissent sur la terre, la saison des champs enfin est avancée. Et s'entend dans notre pays, oui s'entend dans notre pays, la tourterelle. Le figuier embaume ses figues d'hiver, exhale leur parfum, les vignes en fleurs. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, viens, viens. Viens, ma colombe qui te tient dans les fonds des rochers, dans les cachettes des lieux escarpés. Montre-moi ton visage. Ta voix est douce, ton visage agréable. Car ta voix est douce, ton visage agréable. Lève-toi, mon ami, ma belle. Ma belle.